BKFM jusqu'au bout du monde. Sur les ondes de la radio Gbeke FM pour le Gbeke Event, le checkpoint de l'événementiel à Boaké, c'est pour tout à l'heure. Gbeke FM jusqu'au bout du monde. Eh bien, je suis avec le groupe Parlons d'amour. Ils ont organisé, sinon ils organisent, un spectacle artistique le 13 février au Centre culturel Jacques Akam. Je suis actuellement avec Gérard et Mademoiselle Esther. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Parlez-nous un peu de votre spectacle. Ok. En fait, c'est un spectacle artistique qui réunira ou encore qui s'articulera autour de différents arts, qui sera le slam, la poésie, le théâtre, la danse, tout ce qui est en rapport avec l'art et les lettres. Donc c'est une lucarne pour pouvoir exprimer ou encore pouvoir promouvoir la culture. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et c'est le 13 février, à partir de quelle heure? À partir de 15h. 15h, oui. Ou au centre culturel Jacques Akam. Exactement. D'accord. Mais vous avez décidé de faire un tel événement. Oui. Pourquoi? Vous avez dit pour promouvoir la culture, tout simplement, juste ça, bien. Bon, pas si simple que ça, parce qu'en fait, pourquoi le 13 février? Il y a des dates qui tiennent un peu la population en haleine. Donc le 13, nous sommes juste un jour avant la période des amours. Voici que déjà février, c'est le mois des amours. Voilà. Et donc, le spectacle a pour thème Parlons d'amour. On ne viendra pas uniquement parler d'amour entre hommes et femmes comme Valentin et Valentine, mais pour transmettre aussi des valeurs sous-jacentes à l'amour. D'accord. Voilà, à la population de Boaké, vu que nous approchons aussi des élections 2020. Voilà, c'est une manière pour nous de parler d'amour pour son proche, amour pour son pays, amour pour son homme, amour pour sa femme. Voilà. Évidemment. Les tickets sont à combien? Bien, c'est gratuit? Non, les tickets sont à 1000 francs pour le spectacle. 1000 francs CFA? Oui. D'accord. Éventuellement, il y a des tickets, on appelle ça comment? VIP. Et VIP. Ouais. Donc, on veut des informations sur ça. Et aussi, c'est vrai que le spectacle, c'est le 13, mais le 14, il y a un dîner gala. Oui. Exactement. Du côté de Agnonsou. Au restaurant Pyrénées. Ouais. Voilà, donc parlez-nous un peu de ça aussi également. D'accord. Donc d'abord, les tickets pour le spectacle, c'est 1000 francs. Et VIP, 3000 francs. Et VIP, 5000 francs. Mais attention, les VIP et les VIP sont conviés à un dîner gala le lendemain au restaurant Les Pyrénées, à 100 mètres du commissariat d'Avignon. Voilà. Et à cet effet, on a prévu des jeux de couple, love story, karaoké. On a prévu aussi du slam. On peut faire aussi des dédicaces pour les couples qui souhaiteraient surprendre leur partenaire. Voilà, c'est le menu du dîner gala en quelque sorte. La nourriture et la boisson, voilà, sont comprises dans les tickets. Oui, les tickets. D'accord, donc le ticket de 1000 francs a seulement droit au spectacle, point. Ouais. Maintenant, les tickets de 3000 et de 5000 au spectacle. Et au dîner gala. Exactement. D'accord. Et le dîner gala, c'est pour quelle heure? C'est pour 19h. 19h. Oui, de 19h à 23h. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, fidèles auditeurs, on vous lance encore une invitation particulière. Le spectacle artistique organisé par le groupe L'Art et Lettres. Le spectacle est dénommé Parlons d'amour. Il vient à pic. Et le contenu de ce spectacle sera le slam, le théâtre, la poésie, karaoké, danse et bien d'autres. Si vous voulez découvrir ce qu'il y a à l'horizon, payez simplement vos tickets. Et c'est à partir de 15h, le 13 février. Et le dîner gala, c'est pour le 14 février à partir de 19h au restaurant Pyrénées d'Agnonsou. Et les tickets sont à 1000 francs VIP, 3000 VVIP, 5000 francs. Et retenez que le ticket de 1000 francs n'a pas droit au dîner gala. Exactement. Ce sont les tickets de 3000 et de 5000 francs qui ont droit au dîner gala. Info line 88 71 70 95 ou le 40 18 28 40. 88 71 70 95 ou le 40 18 28 40. Votre mot de fin. Notre mot de fin, c'est tout simplement que vous puissiez venir prendre votre ticket et qu'avec vous, nous puissions vivre l'amour. L'amour au sens pur, mais également l'amour avec un grand A. D'accord. Voilà. Et il y a un petit détail que je voulais ajouter. Les tickets de 3000 francs ont droit à un spectacle et un dîner gala en solo. Exactement. Et les tickets de 5000 francs ont droit à un spectacle, à un dîner gala en couple. Voilà. Donc, vous pouvez venir avec monsieur, vous pouvez venir avec madame. Vous déboursez seulement 5000 francs. Ouais. Pour bénéficier de tout ça. Merci. Fidèles auditeurs de la radio Gbeke FM, c'était le Gbeke Event pour le checkpoint de l'événementiel à Boaké. À très bientôt pour un autre numéro. Merci. Gbeke FM, jusqu'au bout du monde.